Bienvenue chers auditeurs de la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal en langue française. Au micro, vous êtes avec Odenda Ishimie, Alphonse Kubimana assure la mise en onde. Au sommaire, une campagne de destruction des emballages de récupération se trouvant sur le marché va être lancée. Le directeur général du bureau burundais de normalisation affirme en outre que d'autres emballages adaptés vont être disponibles. Et le parti CNL annonce avoir mal accueilli la décision du ministère de l'Intérieur interdisant la tenue du congrès extraordinaire de ce parti qui était prévu ce vendredi. La digitalisation des actes d'état civil a déjà commencé dans 11 communes pilotes et sera bientôt étendue sur tout le territoire burundais. Les propos sont du ministre de l'Intérieur Martin Niteretse qui affirme que son nouveau système connaît néanmoins quelques problèmes de connexion. Les détails, c'est après une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois. Les nouveaux dossiers relatifs au conflit ont diminué jusqu'à plus de 50% ce mois passé au tribunal de résidence de Bururi. Grâce au travail des notables collinaires, c'est confirmé par Perpétue Nirabama, présidente de cette juridiction. Cependant, ces notables disent qu'ils font face aux problèmes de matériel. Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province Bururi, demande que ces médiateurs soient formés car le constat est que certains ne sont pas informés sur leur mission. Zenon Zambiman. En province de Bururi, certains notables collinaires confirment qu'ils sont à l'œuvre compte tenu des litiges déjà traités et clôturés sur les collines. Cependant, ces notables disent qu'ils font face aux problèmes liés au matériel, notamment les stylos, les feuilles, les cahiers pour la rédaction des procès-verbaux et les téléphones portables pour faciliter la communication. Ces notables collinaires disent qu'ils font face également aux problèmes de bureau, comme nous l'a fait savoir Joseph Bachiagizé, vice-président des notables collinaires dans la ville de Bururi. Il fait savoir qu'il travaille à l'air libre sur les escaliers au stade d'Okabouye suite au manque de bureaux. Des problèmes qu'il partage avec d'autres de la province de Bururi, selon Joseph Bachiagizé. Ces médiateurs collinaires sont à l'œuvre, selon également Perpétue Nirabama, présidente du tribunal de résidence de Bururi, compte tenu des nouveaux dossiers enregistrés à ce tribunal au mois de mars écoulé, où 14 nouveaux dossiers ont été enregistrés, alors qu'avant on a enregistré entre 30 et 40 nouveaux dossiers relatifs au conflit foncier, ce qui montre que ces dossiers ont sensiblement diminué grâce à ces notables collinaires. Perpétue Nirabama déplore néanmoins le manque de matériel signalé dans les rapports de ces notables. Le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi salue également le travail de certains médiateurs collinaires dans la province de Bururi, mais le constat est que d'autres ne sont pas du tout informés sur leur mission, dont ceux qui arrivent même à traiter les dossiers qui ne devraient pas être traités à leur niveau. Juvan Daikeza demande des formations à l'endroit de ces notables collinaires pour exécuter convenablement leur mission. Cette autorité administrative appelle les notables collinaires à éviter toutes sortes de corruptions. Depuis Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Zambimana. Le gouvernement devrait mettre en place des textes réglementaires précisant la prime pour les notables collinaires, comme le stipule le décret de 2021 instituant l'institution des notables collinaires au Burundi. Selon Salvatore Minani de l'association Justice and Equity in Burundi, le gouvernement devrait aussi organiser des formations à l'endroit de ces médiateurs collinaires pour qu'ils puissent bien accomplir leur mission. Suivez. L'appréciation générale est satisfaisante parce qu'il s'agit d'une institution qui vient pour désengorger la justice, parce qu'il y a des questions qui seront tranchées devant l'institution des notables, communément appelée Abahuza Bokumutumba, Chani Muri Quartier. Donc ces questions ne seront pas porter devant les juridictions et donc il y aura un léger mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Sebastiana connaisse mieux plus que quiconque ce qui se passe au quartier ou ce qui se passe sur la colline et donc par rapport aux questions qu'on veut. Oui, ces médiateurs collinaires évoquent le manque de l'air prime que prévoit ce décret ainsi que des formations parce que la majorité d'entre eux ne maîtrisent pas bien la matière de la loi. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ces derniers accomplissent convenablement leur mission? L'article 4 de la loi que j'ai citée de 2021 précise que le mandat de ces conseils ou ces notables est gratuit, mais qu'ils bénéficient d'un encouragement dont le montant est déterminé par voie réglementaire, c'est-à-dire par un autre texte qui sera mis en place. Ce texte devrait être mis en place pour éviter des spéculations ou pour éviter un découragement de la part de ces notables, parce que de toute façon, ils travaillent deux fois par semaine ou même plus de deux fois. Et quand ils ne reçoivent rien jusque-là, alors qu'ils viennent de faire plus de 4 mois, on se demande où est-ce qu'ils trouvent les moyens quand il faut produire des rapports, parce que ces rapports doivent être actés sur un papier. Et est-ce que ce n'est pas au justiciable de produire ce papier, alors que l'article 11 de cette même loi dit que la procédure devant le conseil des notables ne donne lieu à aucun frais. Par rapport aux connaissances générales, parce que la mission qui leur est assignée demande aussi une certaine capacité intellectuelle de la compréhension de certaines questions pour éviter soit une interférence par rapport aux questions de la justice ou alors pour éviter que ces gens-là, les notables, ne rendent des décisions lacunaires parce qu'il manque telle ou telle connaissance. Il faudrait donc plusieurs formations à leur égard, surtout qu'ils ont un mandat très spécial de concilier les gens au quartier ou à la colline. À la page politique, le parti CNL a mal accueilli la décision du ministère de l'Intérieur interdisant le congrès extraordinaire de ce parti qui était prévu ce vendredi. Le secrétaire exécutif du parti CNL explique qu'ils ont reçu un appel à des heures avancées en provenance du ministère pour les informer qu'il y a des erreurs dans la correspondance adressée au ministre de l'Intérieur. Honorable Simon Bidimungu demande au ministère de l'Intérieur de collaborer avec les partis politiques en donnant des informations à temps. Suivez-le. On avait un congrès extraordinaire aujourd'hui, mais le congrès n'a pas eu lieu parce que hier soir, vers 19h, nous avons eu un appel dans l'état général au ministère de l'Intérieur qui nous disait que la correspondance qu'on a envoyée au ministère contient une erreur. Et là, avec cette erreur-là qu'on disait qui se trouvait dans la correspondance, qu'il n'est plus possible de faire le congrès comme c'était prévu. On a accueilli ça avec un sentiment qui n'est pas, parce que si on avait prévu faire une activité, c'était une activité qui devait se faire à l'intérieur de la permanence, et cette activité ne concernait qu'à un nombre bien connu des participants. Et là, si on disait alors que suite à l'erreur qui s'est produite dans la lettre, qu'on ne peut pas faire l'activité, on a dit bon, prenons note de ça et nous allons gérer la suite. Qu'il y ait des raisons politiques, ça peut être vrai. Vous savez, nous vivons dans un pays, au Burundi, là où c'est la politique qui prime, mais au-dessus de tout. Si peut y avoir des raisons politiques là, bon, on ne peut pas nier ça. Mais tout comme on ne peut pas confirmer ça 100% parce que nous n'avons pas des effets qui nous montrent que des raisons politiques sont derrière ça. Mais tout compte fait, il faut dans un pays là où la politique est prime, c'est tout comme on le dit. Pour qu'on au ministère de l'Intérieur, c'est la collaboration. Il faut aller dans la collaboration parce que si une correspondance a été donnée, qu'on commence à analyser la correspondance, s'il y a des erreurs dans la correspondance, c'est mieux de l'informer à temps et ne pas attendre à la dernière minute pour dire votre correspondance a une erreur et on arrête l'activité. Et là alors, on lancera un appel au ministère de l'Intérieur de chaque fois collaborer avec les partenaires. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, le système de digitalisation des actes d'état civil a déjà commencé dans 11 communes pilotes et sera bientôt étendu sur tout le territoire burundais. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse après une rencontre avec les responsables du PNUD qui appuient le gouvernement dans ce projet. Martin Litelete a indiqué toutefois que ce nouveau système connaît des problèmes de connexion et de coupures répétitives du courant électrique. Il a tenu à souligner que la délivrance de la carte d'identité biométrique devra attendre l'adoption d'une loi de sécurisation. Suivez-le. Nous avons déjà 11 communes pilotes pour la digitalisation des actes d'état civil, excepté l'identité, parce que l'identité requiert une loi de sécurisation, laquelle loi a été élaborée. Nous avons déjà un draft de ce projet de loi, mais nous attendons les séances d'échange d'expérience, notamment qui sont prévues pour nos cadres. Ils vont faire ces séances au Bénin et au Cameroun. On a aussi la digitalisation du casier judiciaire. On est avancé, le judiciaire est là, il reste le matériel pour la mise en œuvre, l'implémentation. Et certains équipements sont disponibles. Ceux qui ne le sont pas, c'est recommandé pour la mise en œuvre. Et on s'est dit que, de préférence, le logiciel devait être logé au niveau du CETIC. Dans les 11 communes pilotes, nous avons du succès. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème de connexion. Ici, au niveau central, on doit être connecté directement pour que chaque personne qui fait enregistrement d'une naissance ou qui fait enregistrement d'un décès ou qui fait enregistrement d'un mariage doit être vu en temps utile ici au niveau central. On veut qu'il n'y ait plus d'erreurs d'enregistrement, des copies de documents falsifiés. On a beaucoup de succès, sauf qu'il y a un problème de connexion qui a été corrigé, mais pas 100%, parce que les fibres optiques BBS et d'autres fibres optiques ne sont pas très proches des bureaux d'état civil, mais on a trouvé d'autres solutions alternatives. On va voir comment améliorer la connexion. L'autre problème, c'est le souci de copies répétitives du courant électrique. On a trouvé la solution d'utiliser dans les jours à venir l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire ou l'éolienne. En province Mungalo, il s'observe un manque de dépotoirs publics. Les habitants du chef-lieu de cette province disent qu'ils ont besoin de ces dépotoirs pour l'amélioration de l'hygiène. Athanase Chiz, chef de cabinet au bureau du gouverneur de cette province, dit que l'administration provinciale compte approcher les services de l'urbanisme dans cette province pour trouver des solutions à ce problème. Les détails avec Laurent Dicouli. Dans différents quartiers du chef-lieu de la province Mwaro, il n'y a pas de dépotoir public. Les ordures provenant des ménages sont jetées soit près de certaines routes, soit dans des fossés où ont été extraits les matériaux de construction. Par exemple, au quartier Kagoma, situé au chef-lieu de cette province, Evo de Nindole, la chef de ce quartier, dit que ces dépotoirs publics devraient être aménagés pour que l'hygiène s'améliore. Athanase Chiza, chef de cabinet du gouverneur de la province Mwaro, dit que l'administration provinciale va contacter le responsable de l'urbanisme dans cette province pour qu'il les aide à voir les endroits où peuvent être installés ces dépotoirs publics ainsi que les conditions de faisabilité. Il indique que si l'aménagement de ces places exigerait beaucoup de moyens, l'administrateur de la commune Kayokwe pourra présenter la question lors de la réunion du conseil communal pour voter un budget nécessaire. Cela a été dit ce jeudi après-midi lors d'une réunion que le chef de cabinet du gouverneur de la province Mwaro a tenue au chef-lieu de cette province à l'endroit des chefs de service de la commune Kayokwe et la population de la zone Mwaro de cette même commune. De Mwaro, Laurent Dikoriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikouliyo. Le Bureau burundais de contrôle de qualité, BBN, va bientôt lancer une campagne de destruction de tous les emballages de récupération se trouvant sur le marché. Sindai Kengela Severin, directeur général du BBN, signale que la population doit cesser de dire que le gouvernement n'a pas encore préparé d'autres emballages. Selon lui, les emballages sont en train d'être confectionnés, mais l'important est que cette mesure soit respectée. Suivez-le. Nous avons vu que jusqu'à présent, il y a une partie des utilisateurs de ces embarrages de récupération qui ont rectifié le tir et qui ont commencé à s'adapter. Mais la majorité de ces utilisateurs des embarrages de récupération continuent à faire sourde oreille comme si rien n'était. C'est pourquoi nous faisons ce lancement officiel du retrait des embarrages de récupération et des produits contenant dans ceux-ci au marché. Le Burundi est petit, nous avons le choix de commencer n'importe où. Que ce soit dans les marchés qui sont proches du bureau ou à l'intérieur du pays, la loi nous autorise à faire ce retrait. Et quand nous allons faire ce retrait, on va détruire ces produits parce qu'ils sont dangereux à la santé des consommateurs. Et les possesseurs de ces embarrages de récupération doivent payer l'amende au trésor de l'État. Le règlement qui régisse le BBN prévoit la valeur de l'amende selon la faute commise. Là, il n'y a pas de problème. Et la force que nous avons, en tant que bureau burundais de normalisation, le seul organisme du pays qui gère les normes de la qualité, la première force que nous avons, c'est le règlement technique qui nous régisse, la loi. Nous avons ces prérogatives de faire cette activité comme nous faisons les autres. La loi nous protège. Et l'autre force que nous avons, c'est la collaboration avec les autres structures du pays. Presque toutes les structures du pays. Le BBN a beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de s'associer à nous pour faire ce travail tellement louable pour la santé des consommateurs dans notre pays. Le personnel de l'hôpital public de Lomongue est appelé à ne pas verser dans la politisation du dossier de deux de leurs détenus pour leur non-assistance présumée à une personne en danger et a entraîné sa mort fin mars 2023. Cet appel est de Léonard Niosaba, gouverneur de Lomongue, lors de sa descente dans cet hôpital ce vendredi matin. Selon lui, ce personnel doit attendre le verdict de la justice tout en s'acquittant convenablement de leurs tâches. Jean-Pierre Misago. À part l'appel au renforcement du dialogue dans le milieu du travail, à la dénonciation des voleurs des biens publics, à éviter des ligalas dans le milieu du travail, à éviter des montages contre autrui, à fournir des rapports dans les délais afin de contribuer dans la prise de bonnes décisions et à temps, au respect de la déontologie professionnelle, Léonard Niosaba, gouverneur de Lomongue, conseille son personnel à éviter d'être manipulé par des politiciens dans des affaires judiciaires concernant certains d'entre eux. À titre illustratif, le gouverneur de Lomongue a déclaré que certains de son personnel sont auteurs de certains messages revêtant une certaine manipulation, comme quoi la rétention des deux membres de son personnel serait téléguidée par quelqu'un d'autre. Selon le gouverneur de Lomongue, ce personnel devrait ne pas céder à une quelconque manipulation politicienne, mais laisser la justice faire son travail. Les deux membres du personnel de l'hôpital public de Lomongue, à savoir un docteur et un chauffeur, sont retenus depuis fin mars 2023, accusés d'homicide involontaire et de non-assistance d'une personne en danger après la mort d'un enfant survenu à cet hôpital. Jean-Pierre Misago depuis Lomongue, Radio Isanganiro. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aussi à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration. Bonne suite des programmes.